Le grand cahier, commentaire des chapitres 19, 20 et 21. Dans ces trois chapitres, les garçons apprennent pour la première fois comment être cruels et appliquent tout de suite leurs nouvelles aptitudes. Ces aptitudes vont leur prouver importantes pour la suite du récit. En plus, ils apprennent de la bouche de grand-mère qu'elle a empoisonné grand-père, ce qui donne une justification à leur cruauté. Dans la tombe de grand-père, les jumeaux suivent la grand-mère à la tombe de grand-père, qu'elle soigne avec ce qui paraît être de l'amour, mais ils l'entendent jeter des injures sur la tombe. À la maison, ils lui demandent pourquoi elle continue à soigner la tombe, alors qu'elle a tué grand-père, comme tout le monde le dit. Elle essaye de nier, mais elle ne fait pas un très grand effort, et les jumeaux comprennent qu'elle l'a probablement vraiment empoisonnée. Elle dit qu'elle ne soigne la tombe qu'afin que les gens arrêtent de parler. Jusque-là, les garçons ont que fait des exercices violents entre eux. Mais dans cet exercice de cruauté, Klaus et Lucas entreprennent un premier exercice violent envers des autres qui ne sont d'abord que des animaux. Ils s'habituent à tuer des animaux en commençant à forcer grand-mère à cuisiner le plus beau poulet. Ils continuent pour s'endurcir avec des animaux qui ne sont pas destinés à être tués. L'exercice de cruauté montre des effets dans les autres enfants. Ils observent comment les autres enfants taquinent Bec de Lièvre en crachant dans son seau qu'elle tente remplir au puits du village. Après un moment, les jumeaux l'aident et frappent l'un d'entre eux. Les autres enfants ont peur d'eux parce qu'ils ont appris à se défendre et n'hésitent pas à utiliser leur rasoir. On peut interpréter surtout les chapitres 20 et 21 comme un point tournant du récit, car jusque-là, les enfants n'avaient fait que des exercices servant à leur autodéfense. Maintenant, ils commencent à évoluer, à se faire vicieux et insensibles jusqu'à un degré inhumain. Leur nouvelle cruauté se trouve être utile immédiatement quand ils défendent Bec de Lièvre contre les autres enfants. Cet effet ne peut d'ailleurs que les confirmer dans leur comportement et les conduire à s'endurcir encore plus. La mort est très présente dans ces trois passages, ce qui n'était pas le cas jusque-là. Après avoir découvert que leur grand-mère a empoisonné son mari, ils commencent à tuer des animaux pour s'exercer à être cruels. On ne peut que voir la connexion entre ces deux mouvements. La grand-mère a commencé à être un exemple en cruauté pour eux et, en plus, elle les encourage en leur disant qu'il peut être utile de savoir comment tuer quelqu'un quand c'est nécessaire. On peut donc voir ces chapitres comme l'annonce des atrocités que commettent les jumeaux plus tard dans l'histoire.